Titite Rizel. Aïe maman. Titite plongé non coin. Aïe maman. La dégagé li. Aïe maman. La mère vinoué li. Aïe maman. La mère vexé. Aïe maman. La mère tombé bourré. Aïe maman. La mère vingri. Aïe maman. Le père bandé. Aïe maman. Kikiye. Aïe maman. Kikiye. Aïe maman. Non. William, moi si petit la regarde ou moi tant qu'on mon qui table ou dit Jean tapli. Et bien c'est ton camarade qui m'a yak madame dit. Même si c'était un bel job. Mais depuis je m'a yak madame dit. Tout bagay nan kay la, c'est tout en paix. Tout en paix. Paix cabane. Paix sommier. Paix frigidaire. Paix radio. Paix bonne. Mais paix gérant. Mais, un jour monsieur levé, il n'est pas dit dans le travail. J'ai dans la rali. Dans le lendemain, je suis levé là le travail. L'on dit, ah, si je quitte Nexa dans le travail, là, la gâte tout le reste employé. Je m'a prévoqué, monsieur, quand même. L'on relève, monsieur, je vais me dire, je le monsieur arrivé là, il dit, chérie, vous connaissez le révoqué mari ou? On m'a dit, oui. Avec eux, ça c'est rance. C'est sorti dans la porte, ça ou après entrer dans l'autre porte là. Mais ça que fait femme dans dit monsieur ça. C'est parce que femme dans connaît monsieur qu'on 800 dollars de réserve dans caille là. Et ça fait dit ça. Mais si tu connais monsieur pas que 5 centimes, monsieur était tout tourné en bouteille. Température t'a changé. Oh oh, boule boule boule. Yo prend 800 dollars, y'a mangé 800 dollars, mangé oui. Et puis il finit. Pas qu'un 5 centimes dans le cas. Madame Jody Dio, quel est le papier gage au bout de manger matin? Je ne comprends rien. Jody Macho, malhonnête. Vous connaissez notre petit job, vous révoquez. Vous avez 800 dollars dans le cas. Nous finissons manger 800 dollars. Alors, comme tout bagaille dans le cas, c'est tout en paix. N'a pas yo après n'a pas acheté l'autre. Fia dit m'a pas d'où vendre, m'a pas d'où pas vendre. Mais m'a pas prêt à manger. Y'aura les pères à bonne, li vendre l'argent passé. Y'aura les pères matelas, li vendre l'argent passé. Y'aura les pères radio, li vendre. L'argent passé. À la fin, tout le bagage dans la fin passé. Pas rien encore. Allez qu'il est, maîtresse Kaila apparaît pour venir demander l'argent Kaila. Jody Way, de comme ça, oui. Je perds du job, moi. Je connais, pour ta vie demander l'argent Kaila. Ma boîte Kaila. Kaila Brapin, chargé à Pinez là-dedans. Chargé à Ravette. Ma boîte Kaila. Ça, je fais, t'es un petit coup en face. Je vais louer un petit coup là. Pour madame, c'est pour Jésus Tinat. Madame a plein. Oh mon Dieu. Gardez-moi mes messieurs pour aujourd'hui. À moi, ma couche est son Tinat. Bye. On m'a dit le bon bêtis, mais devant moi. Mais si maman paraît, il y a ça, ça l'a dit. Mais elle va changer si t'es un peu cabane. Père et chaud, père matelas, pas changer pareil ça yo. Bon, Dieu levé sorti. Bon, bon ami Dieu qui dit ou est Dieu, il dit oh, Dieu, à papa ou à côté, et on s'en bat ou. J'ai dit mon cher, de nos petits jobs, patron parrain, mais forme tête, moi, il révoque. J'ai dit à mon cher, venez mais non, non, job. Et puis d'aller avec monsieur, il vient blanc. Il va avoir son job. Blanc bien content, blanc diplômé, monsieur. J'ai à l'aise dans le travail là. Là, monsieur, viens pour moi. J'arrive à le toucher, pour moi. J'ai toujours moi. Ça le fait, il passe dans ma chef, on prend provision. Reste là, je l'emmène. Il paraît. Il dit chérie, même à Oudjo. Je suis en travail, je suis touché, je fais provision, mais reste là, j'ai un bout de baou. Et puis inconsciente là, il va même lever tête pour garder malheureux, non? Il va occuper. J'ai dit chérie, c'est ma roue qui devant, oui. Mais l'argent, je fais provision, bout de baou. C'est alors. Faut m'enlever tête, il garde Dieu. Et puis le petit bouche maintenant pour Dieu. La vraie allait la ska audio. Oui, ces jours-là, on nous passe une bonne journée. Toute la nuit, toute la journée. Radiographie, radio, radiographie. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dit qu'on a fait. On met tout le monde dehors. On vient faire radiographie. Oui, l'argent entré. Et qu'on s'en fait mieux, oui. Depuis que quoi pour là, depuis pas que quoi, ou absent. Oh, bon méchant. Bon. Et bonjour, madame, je suis sorti. Alors, excusez-moi. Où est-ce que tu es femme inconsciente? Il dit, Job, affaire pour c'est moi-même qui prends le marché. Quand il me dit, fais faire manger, parce que ça n'est pas capable, c'est pour capable pour mon bon. Je dis, ma chère, et je dis à moi, méchant, vrai. C'est quand il comble, il finit. Vendre tout bagaille comme la fille pas que 16 ans dans caille là gardez les quoi vous voulez si après pas gagner pour mal pour bonne encore mettre sous lit vraiment dit m'a besoin connait sous pas bon mon bonne moi avec nous fini et on connaît monsieur sensible pour madame ni il pas t'aimer l'autre pour jouer dans jouer ni on va moi il mettait l'autre diapason et puis Dieu dit mais pour bonne non pour bonne. Maintenant, je prends un petit bon, non. Il coûte. Il won. Il gras. Ah, Dieu n'a pas de plat. Dieu n'a pas de plat, papa. Et puis. Maintenant, je relève bon, non. Il dit, regardez, non, vini. Je vais sortir. Mon poule marée dans pied table, faire manger. Et pour mettre poil dans le feu, je vais finir. Petit bon, non, mettre poil dans le feu. Il tue pour lui. Joe même ce jour-là, il prend pour dire la fièvre. Il parle de travail. Il m'a en compresse jusqu'au sol avec l'aide des vapeurs sous tête. Il prend pour dire le travail. Alors là, fait dans la fête devant la cuisine. Quand on a dit qu'il n'y a pas de faire manger, pour l'expliquer, il n'y a pas de faire. Pendant pour la frière, il n'y a intelligente qu'elle est. Il faut dire il mettait le sous-coupe et puis il votait le bateau. Je le vois. Ma bonne augmentation. Ma bonne augmentation. Si bon, on dit, t'as content, oui, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Je n'en plante plus. Un jour, madame, je ressorti encore. Il dit, bon, on fait manger. Alors t'es convié l'office. Alors ti Joe, gon ti petit garçon ni. Il gon ti cabrette nan men toute la journée puis là avec cabrette là à pouler nan kay là. Aoua. Aoua. Aoua. Ba kon sa kwa c'est Joe. Joe gon loi mon don qui monte li. Li pop, li met men sou di bon nan. Et puis la fait ti bon nan radiographie. Radiographie, radiographie. radiographie, radiographie. Et puis j'ai petit là tombé sous papa en bas l'office là, qui a fait une bonne radiographie. Hein? Tito Relé. Alors, tu as comme intelligence, on relevé. Il prend petit à mettre sous épaule, il traverse nos boutiques en face. Il achète deux petits sachets bonbons. Il chire. Il prend petit bonbon mettre dans la bouche Tidjo. Il dit Tidjo, je mène un joueur dans le récit. Ou à sélectionner, ou à faire grand joueur, ou à voyager. Puis là, je moule les bonbons. Miam, miam, miam, miam. Mardi. Mardi. Mardi. C'est le moment maman vient paraître. Maman dit Tidjo, viens raconter maman ça gagne. Viens dire maman ça passé. Jo dit regardez non madame Jo. Souam quitter Tidjo, demeurer dans canal ensemble avec vous. Petite la pape qu'il vacillon. Dit pape qu'il vacillon. Pour série de bagarre qui passait depuis des mois et des mois. Ou après les petites là vous nous faites raconter ou. Madame Jo dit oui. Imbécile. Il dit la main qui est même jazz là. Mardi. Mardi. Mardi. À la fin, Johnny, dis maman où. Vite foot, dis maman où. Dis maman où. Dis maman où. Tidjo dit maman. Maman, souwe. Souwe, maman. Ça me dit what t'as fait avec voisin, hein. C'est libre papa ma fa qui bonne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Guy. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, li bloqué, pas qu'un doit fait être collé. Mon cher campé à distance pour observer la cadence. Si vous pas fait danser, dernièrement, allez-vous-en. Titi trisez, titi bloqué non pas. La dégagé li, la main vinoué li, la main vexée, la main tombée près. La main vient gris, oui, les pères bandés, oui, kiki, oui, kiki, oui, kiki, kiki, kiki, oui, kiki, oui, ou pas pas besoin comprendre. Regardez non. Moi même son cabrette m'a mettre dans dos même. Chapeau.